Écoutez le document numéro 1 de votre livre de texte. La peinturalie, c'est plus difficile, mais c'est bien plus beau que la peinturalie.